Goethe et la Révolution française par Alfred Mézières. La Révolution française ébranla trop l'Europe pour que les esprits, même les plus calmes, aient pu se soustraire à son influence. Quoique Goethe essayât de dominer toujours les événements, l'événement cette fois fut plus fort que son courage et s'imposa lui avant même d'avoir éclaté. Peu d'hommes parmi les étrangers observèrent avec plus d'attention et d'anxiété les symptômes précurseurs du grand changement qu'allait s'opérer dans la société moderne. Il en vit poindre les premiers germes, il en suivit le développement, il en prévit les conséquences, il assista de loin aux phases successives de la Révolution en spectateur plus ému qu'il ne lui aurait convenu de l'être. La Révolution troublait la tranquillité de sa vie en l'arrachant à ses paisibles études. Il la jugea quelquefois sévèrement, avec mauvaise humeur, mais on ne peut lui reprocher ni de ne pas l'avoir prévue, ni de ne pas l'avoir comprise. Nous suivrons dans la série de ses œuvres les traces que cette grande crise de l'histoire a laissées dans sa vie. Le premier fait qui révéla à Goethe l'imminence du péril que courait la vieille société française fut la scandaleuse affaire du collier. Comment l'Allemagne ne se serait-elle pas émue tout entière d'un procès où se trouvait impliquée une princesse autrichienne, Marie-Antoinette, et un prince du Saint-Empire, le cardinal de Rohan? D'ailleurs, on ne sait plus guère aujourd'hui combien toute l'Europe s'intéressait alors à ce qui se passait en France. Quel ascendant exerçait Paris sur la société européenne? Le moindre ouvrage qui sortait de la plume de nos écrivains, la moindre cause célèbre que publiaient nos gazettes, était lu et commenté en Allemagne presque autant que chez nous. On sait quelle curiosité inspirait au-delà du Rhin les mémoires de Beaumarchais. Une affaire aussi étrange et aussi mystérieuse que celle du collier devait exciter plus encore l'attention publique. C'est ce mystère même qui piqua la curiosité de Goethe, et dans ce mystère, ce qu'il y avait de plus mystérieux, l'existence et les actes d'un personnage arrêté en même temps que le cardinal de Rohan, soupçonné d'avoir été son conseiller et son complice. Je veux parler de ce Joseph Balsamo, si connu à la fin du XVIIIe siècle sous le nom de comte de Cagliostro. À Palerme, Goethe avait éprouvé un vif désir de connaître la famille du célèbre aventurier, et avait même réussi à y pénétrer par l'intermédiaire de l'avocat sicilien que le Parlement de Paris avait chargé de dresser l'arbre généalogique de Joseph Balsamo. Sous prétexte d'apporter des nouvelles de ce dernier, il s'était présenté chez sa mère et chez sa sœur comme un voyageur anglais qu'il avait connu personnellement. Ses petits mensonges innocents, ses travestissements, ne coûtaient aucun effort à la sincérité habituelle de Goethe. Il les aimait, au contraire, et y prenait plaisir ainsi que le prouvent de nombreuses anecdotes. C'était pour lui une occasion de connaître, d'observer les autres sans se laisser pénétrer lui-même. Cette fois, il se trouva en présence d'une famille pauvre, complètement délaissée par le prétendu Cagliostro, mais honnête et respectable. À l'angle d'une petite rue, en haut d'un escalier délabré, dans une salle jadis ornée, maintenant de l'aspect le plus simple, il vit réunis la mère, la sœur et la nièce de Joseph Balsamo. Toutes ces personnes, suivant la différence de leur tempérament, la mère avec plus de dignité, la fille avec plus de vivacité, se plaignirent à lui de l'abandon où les laissait l'aventurier. Quoique vivant dans la gêne, presque dans la misère, elles ne recevaient aucun secours ni même aucune nouvelle de leur fils, de leur frère, dont elles entendaient cependant vanter la richesse et la magnificence. Croyant que Goethe connaissait Joseph Balsamo, elles priaient l'étranger de faire parvenir de leurs nouvelles à ce parent dénaturé, et le chargeait même pour lui de lettres touchantes. Le travestissement de Goethe fut devenu une mauvaise action s'il avait fait naître des espérances dans le cœur de ces pauvres gens pour ne leur laisser ensuite qu'une déception. Il le comprit et leur fit parvenir plusieurs fois des secours sous le nom du comte de Cagliostro. Il s'était intéressé à eux en les voyant. Il n'eût voulu à aucun prix satisfaire sa curiosité aux dépens de leur émotion. Il nous a laissé, dans le récit de son voyage d'Italie, un portrait de la sœur de Cagliostro qu'il y a quelque intérêt à rapprocher du portrait que M. Beugnot nous donne dans ses mémoires de Cagliostro lui-même. « Plus je la regardais, nous dit-il, et la comparais avec sa mère, plus j'étais frappé de la différence. Une vive et saine sensualité brillait dans toute la personne de la fille. Elle pouvait avoir 40 ans. Ses yeux bleus, éveillés, promenaient autour d'elle un regard intelligent, sans qu'il me fût possible d'y découvrir une trace de soupçon. Assise, on l'aurait crue plus grande qu'elle ne l'était en réalité. Sa pose avait quelque chose de déterminé. Étant assise, elle penchait le corps en avant et plaçait ses mains sur ses genoux. Au reste, ses traits plutôt émoussés que saillants me rappelaient la gravure connue qui représente son frère. Voici maintenant le portrait du frère avec lequel M. Beugnot soupa un soir chez la fameuse Madame de Lamotte. Cagliostro semblait moulé exprès pour le rôle du signor Tulipano dans la comédie italienne. Il était d'une taille médiocre, assez gros, avait le teint olive, le cou fort court, le visage rond, orné de deux gros yeux à fleur de tête et d'un nez ouvert et retroussé. Sa coiffure était nouvelle en France. Il avait les cheveux partagés en plusieurs petites cadenettes et qui venaient se réunir derrière la tête et se retroussaient dans la forme de ce qu'on appelait alors un catogan. Je ne le regardais qu'à la dérobée et ne savais encore qu'en penser. Cette figure, cette coiffure, l'ensemble de l'homme m'imposait malgré moi. Je l'attendais au discours. Il parlait je ne sais quel baragouin mi-parti italien et français, et faisait force citations qui passaient pour de l'arabe, mais qu'il ne se donnait pas la peine de traduire. Il parlait seul, et eut le temps de parcourir 20 sujets, parce qu'il n'y donnait que l'étendue de développement qui lui convenait. Il ne manquait pas de demander à chaque instant s'il était compris, et l'on s'inclinait à la ronde pour l'en assurer. Lorsqu'il entamait un sujet, il semblait transporté et le prenait de haut du geste et de la voix, mais tout à coup il en descendait pour faire à la maîtresse de la maison des compliments fort tendres et des gentillesses comiques. Le même manège dura pendant tout le souper. Je n'en recueillis autre chose sinon que le héros avait parlé du ciel, des astres, du grand arcane, de Memphis, de l'hiérophante, de la chimie transcendante, de géants, d'animaux immenses. D'une ville, dans l'intérieur de l'Afrique, 10 fois plus grande que Paris, où il avait des correspondants. De l'ignorance où nous étions de toutes ces belles choses, qu'il savait sur le bout du doigt, et il avait entremêlé le discours de fadeur comique à Madame de Lamotte, qu'il appelait sa biche, sa gazelle, sa cygne, sa colombe, empruntant ainsi ses appellations à ce qu'il y a de plus aimable dans le règne animal. Mémoire du comte Beugnot, tome 1, affaire du collier. Tel était le personnage mystérieux qui excita la curiosité de Goethe, dont Goethe aurait voulu connaître les antécédents, la vie secrète, dont il cherchait à comprendre et à expliquer les actes. Un certain penchant pour le merveilleux le poussait à percer ce mystère. Il avait partagé dans sa jeunesse les espérances, les illusions alchimiques de Mademoiselle de Klettenberg. Il lui restait encore quelque chose de ce goût pour les sciences occultes qui devait reparaître dans Faust. Surtout, il voulait savoir la vérité sur Cagliostro, étudier son caractère, ses procédés, retrouver par l'analyse psychologique les moyens dont se servait cet aventurier pour mystifier la foule, pour conquérir sa grande réputation. Il n'était pas dupe de ces jongleries, il le considérait comme un charlatan, mais il pensait en même temps que sous ce fatras de mensonges calculés se cachait peut-être quelques parcelles de vérité scientifique qui expliquaient la crédulité humaine. Il aurait éprouvé un véritable plaisir intellectuel à distinguer, dans cette vie mystérieuse, le vrai du faux, à faire la part de la réalité, à saisir le point précis où commençait la mise en scène et le charlatanisme. Il prit donc Cagliostro pour le héros d'une pièce où il essaya de peindre son caractère en groupant autour de lui les principaux personnages de l'affaire du collier, en choisissant comme thème dramatique cette scandaleuse aventure. Quoiqu'il n'eût pu percer complètement le mystère dont s'enveloppait à dessein Joseph Balsamo, il le connaissait néanmoins beaucoup mieux que la plupart de ses contemporains. Outre ce que lui apprenaient les publications du temps, il avait recueilli en Sicile quelques détails caractéristiques inconnus du vulgaire. Il savait par exemple que le prétendu Cagliostro avait porté, dans sa jeunesse, l'habit des frères de la charité qui soignaient les malades et à qui, par conséquent, en pharmacie, en médecine, des connaissances au moyen desquelles un homme habile pouvait exploiter la crédulité publique en se donnant l'apparence de la science. Il savait aussi que le même personnage contrefaisait à merveille les Écritures et avait subi une condamnation comme faussaire. À l'aide de ses souvenirs, à l'aide des informations que lui fournissaient quelques biographies, il composa la physionomie de son héros et le fit comparaître devant les spectateurs dans plusieurs scènes où se déployaient son habileté et son savoir-faire. D'abord, le grand coffre, c'est le nom que Goethe donne à Cagliostro et le titre même de la pièce, pénètre dans une maison de campagne où des gens du monde, ses disciples, ont ourdi un petit complot pour se cacher et se passer de lui. Il les surprend à l'improviste, par la trahison des domestiques qu'il a gagnée, il fait ouvrir les portes à son approche, comme si elles s'ouvraient elles-mêmes devant lui pour lui livrer passage, et il menace chacun des assistants de l'abandonner à une légion d'esprits qu'il déchaînera sur eux. Chacun croit déjà sentir sur sa personne les griffes du démon. On se jette aux pieds de Cagliostro, on lui demande grâce et la farce est jouée. Son habileté consiste à faire croire à sa puissance. S'il fallait absolument qu'il en donnât une preuve, il serait hors d'état de le faire. Mais il a si bien établi son autorité sur ses disciples que leur crédulité le dispense de prouver son pouvoir. Il inspire une foi si robuste qu'on n'attend même pas que l'expérience soit accomplie. Avant qu'il l'ait commencée, on le croit sur parole. Dans une autre scène, au milieu d'une conversation animée, Cagliostro tombe tout à coup en catalepsie, et quand il revient à lui, il raconte avec sang-froid qu'il vient d'être appelé en Amérique par un de ses amis, qui se trouve en tant danger, à prononcer les paroles kabbalistiques par lesquelles l'âme se sépare du corps. Son âme est partie, son cœur seul est resté. C'est ce qui explique la léthargie dans laquelle il est tombé. La meilleure partie de lui-même voyageait, pendant que son enveloppe demeurait immobile et comme inanimée. Ailleurs, Cagliostro fait passer sur la scène ses disciples par plusieurs degrés d'instruction, dont Goethe emprunte évidemment les formules aux biographies, aux mémoires du temps. L'auteur du Grand Coft se garde bien d'oublier la principale jonglerie de Cagliostro, la scène du miroir magique, dans laquelle il faisait prédire l'avenir par une jeune vierge, et que nous raconte ainsi M. Beugnot. L'un des prestiges de Cagliostro était de faire connaître à Paris un événement qui venait de se passer à l'instant même à Vienne, à Londres, à Pékin, ou bien qui se passerait dans 6 jours, dans 6 mois, dans 6 ans, dans 20 ans. Mais il avait besoin pour cela d'un appareil. Cet appareil consistait dans un globe de verre rempli d'eau clarifiée et posé sur une table. Cette table était couverte d'un tapis fond noir, où étaient brodés en couleur rouge les signes kabbalistiques des rose-croix du degré suprême. Sur cette table et autour du globe se plaçaient, à des distances religieusement gardées, différents emblèmes entre lesquels de petites figures égyptiennes, des fioles antiques pleines d'eau lustrale et même un crucifix, mais différent de celui qu'adorent les chrétiens. Cet appareil préparé, il fallait placer à genoux, devant le globe de verre, une voyante, c'est-à-dire une jeune personne qui aperçut les scènes dont le globe allait offrir le tableau et en fit le récit. Mémoire du comte Beugnot, tome 1, Affaire du collier. Non seulement Goethe n'oublie pas cette cérémonie, mais il fait même de la scène de la vision le point culminant de sa pièce. C'est par là qu'il rattache Cagliostro à l'affaire du collier. Car il montre, dans le verre magique, au cardinal de Rouen, l'image de la princesse qui doit récompenser son amour, l'image de Marie-Antoinette, reine de France. Cette affaire du collier, qui fit alors tant de bruit, est assez éclaircie aujourd'hui. La justice et l'histoire en ont percé les côtés obscurs. 2 personnes y jouent les premiers rôles, une aventurière, Madame de Lamotte, et un prince de l'Église, aussi vaniteux que faible d'esprit, le cardinal de Rouen. Madame de Lamotte, que Beugnot avait beaucoup connue, sur laquelle il nous donne dans ses mémoires de curieux détails, descendait en droite ligne d'un fils naturel de Henri II, le baron de Saint-Rémy. Mais cette famille, dont la généalogie était authentique, attestée par des pièces régulières, n'avait absolument rien gardé que quelques parchemins de sa fortune primordiale. Elle habitait un petit village de la Champagne, où elle vivait dans la dernière misère, dans un état voisin du vagabondage. Le dernier des Saint-Rémy étant mort jeune, ses 3 enfants, un fils et 2 filles, furent nourris par la charité publique jusqu'à ce que la famille royale, informée de cette infortune, eût consenti à accorder au fils une pension de 1000 livres, à chacune des filles une pension de 600 livres. Madame de Lamotte, l'une des filles, élevée à l'abbaye de Longchamp, où l'on espérait lui faire prendre le voile, n'était femme ni à vivre au couvent, ni à se contenter d'une fortune médiocre. Échappée de l'abbaye, mariée par nécessité à un monsieur de Lamotte, qui servait dans la gendarmerie, elle voulut sortir de l'obscurité, se produire sur un grand théâtre, et elle s'établit à Paris. Elle y vécut d'abord dans la dernière détresse, en grande partie nourrie et défrayée par le jeune Beugnot, alors avocat. Puis elle s'installa à Versailles pour se trouver plus à portée de la cour. Là, sans jamais parvenir à être reçue ni par la reine, ni par aucune des princesses, elle parvint à faire croire à son entourage que Marie-Antoinette la traitait en parente, l'honorait de ses bontés et lui faisait même de secrètes confidences. Elle le persuada du moins au cardinal de Rohan, qui Malencourt, peu aimé de la reine qu'il avait blessée pendant son ambassade à la cour d'Autriche, en parlant légèrement de Marie-Thérèse, méprisée du roi à cause du scandale de ses mœurs, désirait ardemment rentrer en faveur et ressentait pour Marie-Antoinette une passion dont il avait l'audace d'espérer la récompense. Ce cardinal rappelait à Goethe un des souvenirs les plus curieux de sa jeunesse. Goethe, alors étudiant en droit dans une ville française, l'avait vu faire les honneurs de Strasbourg à Marie-Antoinette, au nom de l'évêque, dont il était le neveu et le coadjuteur, lorsque la jeune dauphine faisait son entrée en France. Sans principe et sans force de caractère, M. de Rohan avait l'esprit troublé par l'ambition et par une vanité démesurée. Pendant son ambassade en Autriche, il n'était bruit que de son luxe, des soupers qu'il offrait chaque soir à 100 ou 150 convives, des nombreux domestiques qu'il entretenait, des 50 chevaux qui peuplaient son écurie et de la quantité de pages qu'il attachait à sa personne. Rappelé en France, devenu grand aumônier, évêque de Strasbourg, cardinal, proviseur de Sorbonne, il continuait le cours de ses prodigalités, et quoique jouissant d'immenses revenus, il était abîmé de dettes. Sa vanité le livrait comme une proie facile à tous ceux qui essayaient de l'exploiter. L'aventurier Cagliostro, qu'il avait séduit à Strasbourg en guérissant sous ses yeux quelques malades, l'avait suivi jusqu'à Paris, et recevait l'hospitalité dans l'hôtel de Rohan. L'aventurière Madame de Lamotte s'introduisit dans sa confiance en flattant à la fois son ambition et son amour. Elle feignit de recevoir des confidences de Marie-Antoinette, elle se donna comme initiée au secret de la reine, et le peu clairvoyant cardinal crut avoir trouvé en elle la meilleure auxiliaire pour obtenir les bonnes grâces de sa souveraine, pour conquérir enfin le rang, l'influence à laquelle il aspirait. Elle se fit d'abord remettre une somme de 120 000 livres que le prélat crut prêter à la reine par l'intermédiaire de sa confidente. Puis elle tenta la grande entreprise que l'histoire appelle l'affaire du collier. 2 joailliers, Beumer et Bossange, avaient fait faire un magnifique collier du prix de 1 600 000 francs pour lequel ils ne trouvaient pas d'acheteur, dont la reine même, malgré ses prodigalités et son amour du luxe, n'osait pas se permettre l'acquisition. Madame de Lamotte persuada au cardinal que la reine, à court d'argent, le priait d'acheter le collier pour elle et d'avancer la somme nécessaire au paiement du premier terme. Un billet écrit par un faussaire et signé Marie-Antoinette de France acheva de décider M. de Rohan, qui se croyait couvert par la signature de la reine, à faire l'achat du collier sans laisser ignorer au joaillier le nom de la personne à laquelle il était destiné, en se contentant de leur recommander un secret absolu. Pour donner plus de crédit à ses inventions, Madame de Lamotte composa une fausse correspondance de la reine avec le cardinal et mit le comble à son impudence en accordant au prélat, de la part de Marie-Antoinette, un rendez-vous dans un des bosquets du parc de Versailles. Là, on aposta, la nuit, une jeune personne de mœurs décriées, Mademoiselle d'Oliva, qui ressemblait à la reine, que le cardinal prit pour elle, qui joua à merveille son rôle de grande dame émue, ne laissa échapper que des paroles entrecoupées par l'émotion, et, entendant du bruit, s'enfuit précipitamment, après avoir déposé une rose, comme un gage de tendresse entre les mains de l'amoureux cardinal. Celui-ci sortit de cette entrevue plein d'espoir, convaincu qu'il venait de recevoir un gage d'amour de la reine de France elle-même. Cependant, la vérité éclata. Les joailliers, n'ayant reçu qu'un acompte, s'adressèrent à Madame Campan, qui en parla à la reine, après s'être fait expliquer ce qui s'était passé. Marie-Antoinette, indignée qu'on osât mêler son nom à une si honteuse intrigue, obtint que le cardinal de Rohan fût arrêté le jour de l'Assomption en habits pontificaux au sortir du cabinet du roi. Quelques jours après, on mettait la main sur Madame de Lamothe, à Bar-sur-Aube. L'affaire fut portée devant le Parlement, qui considéra le cardinal comme une dupe, presque comme une victime, l'acquitta par esprit d'opposition à la cour et fit retomber tout le châtiment sur Madame de Lamothe, qu'il condamna à tout ce qu'une femme peut supporter citra mortem, c'est-à-dire au fouet, à la marque, à une détention perpétuelle. Goethe savait tout cela, en tint compte dans sa pièce, et prit pour dénouement l'arrestation des coupables sans aller jusqu'aux scènes de jugement. À côté de Cagliostro, qu'il appelle le comte, il fait figurer parmi ses personnages Madame de Lamothe sous le nom de la marquise, Monsieur de Lamothe sous le nom du marquis, le cardinal sous le nom du chanoine, Mademoiselle de Latour, la nièce de Madame de Lamothe, la voyante qui lit l'avenir dans ce miroir magique de Cagliostro sous le nom de la nièce. Les principaux incidents de l'affaire du collier se retrouvent ainsi dans le drame. Mais le drame offre moins d'intérêt que la réalité. Les contemporains connaissent trop bien tous les détails de cette triste aventure pour que l'émotion ne soit pas épuisée d'avance et la curiosité trompée par la représentation. D'ailleurs, les faits sont trop récents, les personnages trop connus. Ni les choses ni les hommes ne se prêtent aux illusions que l'art poursuit. Enfin, le défaut capital du Grand Coft, c'est que la pièce ne renferme aucun personnage auquel on s'intéresse. Les honnêtes gens y manquent trop complètement. Peut-on s'intéresser aux fourberies de Cagliostro, dont le charlatanisme est démasqué dès les premières scènes? Peut-on s'intéresser à la crédulité niaise et à la vanité du cardinal de Rohan? Peut-on prendre parti pour la nièce de la marquise, pour une jeune fille que Goethe nous représente comme la complice des intrigues de sa tante, comme la maîtresse de son oncle? À son défaut, choisira-t-on pour héroïne la peu scrupuleuse Madame de Lamothe? Goethe essaie de sauver la vulgarité des situations, la dégradation des caractères, en inspirant au cardinal une passion sincère et poétique, en attribuant au chevalier des sentiments généreux. Mais le premier joue un rôle trop niais, et le second un rôle trop effacé, pour qu'un véritable intérêt s'attache à leur personne. Goethe a beau dire à Eckermann que Schiller faisait cas de la pièce et qu'un jour on en donna à Weimar une représentation applaudie. Cette illusion de l'auteur et de son ami n'a pas maintenu le Grand Coft au théâtre. La peinture crue du vice, la représentation du crime, lorsqu'il ne s'y mêle aucune impression douce, produit sur le public un effet pénible et fait naître dans la foule plus de répulsion que de curiosité, comme Goethe le reconnaît lui-même en appréciant la comédie des complices dont le défaut est analogue. Il n'y aurait eu qu'un moyen de relever et d'agrandir ce sujet malheureux, c'était d'y introduire ce que Goethe y introduisit par la pensée, mais ce qu'il ne nous montrait qu'en germe, la peinture d'une société en décadence minée par une révolution formidable. Quel symptôme de la décadence d'un peuple que cet état d'esprit d'un prince de l'Église qui cherche à séduire sa souveraine et qui la croit capable de vendre son amour pour une parure. Il fallait surtout signaler, comme un effroyable indice de l'impopularité de la cour et du mépris dans lequel elle tombait, la faveur que le cardinal avait trouvée contre la reine auprès du Parlement et dans une grande partie de l'opinion, l'acquittement d'un homme qui avait à ce point compromis le nom royal, l'arrêt de mort que ce jour-là, la justice elle-même venait de porter contre une royauté si profondément avilie. Toutes ces considérations s'offraient sans doute au pénétrant esprit de Goethe lorsqu'il composa le Grand Coft en 1789. Il nous le dit du moins dans ses entretiens avec Eckermann, mais elle n'avait alors ni la netteté ni la précision que leur donna le fait accompli. On entrevoyait de grands changements. Nul, peut-être, n'en soupçonnait d'aussi grand que ceux qui s'accomplirent. Au moment où il écrivit sa pièce, la révolution n'était qu'à son aurore. Les politiques pouvaient se flatter de la contenir, de la modérer, de lui fixer des limites qu'elle ne dépasserait pas. L'année suivante, déjà, une partie de ses illusions s'évanouissait. Goethe devait apprendre bientôt à connaître lui-même, par une expérience personnelle, à voir de près des choses qu'il n'avait jusque-là entrevues que de loin. Il allait à son tour entrer dans la fournaise, mettre le pied sur le sol de la France avec l'armée d'invasion. En composant le Grand Coffre en 1789, il ne faisait que deviner les commencements de la Révolution. En 1792, c'était la Révolution elle-même qui lui apparaissait dans sa terrible grandeur.